Ok, donc je commence. Donc, je vais d'abord parler de la définition du mot archétype. Pour ce live Sénat sur les archétypes de personnages du vieux ou du neuf. Donc, étymologiquement, cela veut dire modèle primitif. C'est un mot qui a de nombreuses définitions plus ou moins contradictoires. Notamment, il y a des définitions philosophiques ou psychologiques qu'on ne va pas retenir, même si parfois on va faire référence à certaines définitions psychologiques qui sont utiles. Car ces définitions ouvriraient un débat sur savoir si les archétypes sont universels ou non, un débat très intéressant, mais qui nous éloignerait du sujet. La définition que je vous propose de retenir est celle de la littérature et des autres fictions. À savoir, un archétype est un modèle général, un type représentatif, une représentation commune et récurrente. Un archétype désigne aussi bien un personnage qu'une situation, mais nous allons nous concentrer sur les personnages puisque c'est le sujet. L'archétype est à distinguer du stéréotype. Le terme archétype n'est pas forcément péjoratif, contrairement au terme stéréotype. Le stéréotype n'est pas seulement une représentation récurrente, mais une représentation caricaturale basée sur des idées reçues, acceptées sans réflexion et répétées sans examen critique. Les archétypes, dans leur définition la plus simple que je vous propose de garder, recouvrent un ensemble plus large de représentations dont les stéréotypes peuvent être considérés comme une sous-catégorie. Attention, cette imbrication ne marche qu'avec notre définition littéraire du mot archétype. Si on retenait la définition philosophique, ce serait pas du tout la même chose, mais comme je vous l'ai dit, il me semble plus simple de la laisser de côté. L'ouvrage Comment écrire un scénario de GN, la méthode expérience de Baptiste Caz et Vincent Choupeau assume pleinement le recours aux archétypes classiques de la fiction dans la création de GN. Ils se sont largement inspirés d'ouvrages de dramaturgie du cinéma et les ont transposés au GN. Les archétypes qu'ils emploient sont ceux de Carl Jung, le fondateur de la psychologie analytique. Ces archétypes, s'ils sont fortement contestés d'un point de vue scientifique, sont très utilisés en Occident pour la scénarisation. Voici la liste des archétypes retenus dans l'ouvrage Comment écrire un scénario de GN, la méthode à expérience. Le roi ou le père, la reine ou la mère, le mentor, le guerrier, le magicien ou l'escroc, l'artiste, l'amoureux et le rebelle. Chaque archétype a une raison d'être et une zone d'ombre. Par exemple, la raison d'être du rebelle est qu'il sort du système et le combat. Sa zone d'ombre, il peut ne pas savoir comment construire autre chose et se contenter de détruire. Ces archétypes ne définissent pas à eux seuls les personnages dans la méthode d'expérience. Il y a aussi la place de chacun dans le réseau de personnages. Par exemple, il y a le personnage qui sera défini comme le héros, un autre comme l'adversaire, un autre comme l'allié, etc., comme dans la scénarisation de cinéma. Leurs besoins ou désirs principaux, leurs faiblesses, leurs moyens d'action sur l'histoire, et enfin leur transformation possible, par exemple d'enfant à adulte, de leader à tyran, de cynique à engagé, etc. Chacun de ces éléments est aussi, le plus souvent, un sous-archétype, mais la façon dont on les combine permet de varier les personnages. Les grands archétypes jungiens ne sont pas les seuls employés en GN pour définir la base d'un personnage. Chaque jeu se passe dans un contexte ont engendré des archétypes. Par exemple, pour un GN scolaire, on va avoir le bon élève, le clown de la classe, le bouc émissaire, le rebelle, etc. Notons que les archétypes que je donne sont ceux des histoires scolaires occidentales. Il existe des GN scolaires japonais qui font appel aux archétypes propres à la culture japonaise et sont légèrement différents. Comme les auteurs et autrices de fiction, nous, GNistes, participons à donner corps à ces représentations communes et récurrentes que sont les archétypes quand nous créons ou interprétons des personnages de GN. Parce qu'ils sont présents dans notre imaginaire, mais aussi parce qu'ils permettent de se comprendre. Le recours aux archétypes est un mode de communication. Communication entre l'orga qui écrit le personnage et le joueur ou la joueuse qui va l'interpréter. Communication entre l'interprète et les autres joueurs et joueuses pour produire des interactions qui font sens dans la construction collective de l'histoire. Étant posé que les personnages de GN sont généralement créés et interprétés consciemment ou inconsciemment à partir d'archétypes, je propose que nous réfléchissions ensemble aux questions suivantes. Tout d'abord, je vous propose en première partie de faire un tour d'horizon. Comment les archétypes classiques sont-ils utilisés, avec quels avantages et quels inconvénients? En partie 2, est-il possible de créer des personnages qui sortent des archétypes ou qui au moins les renouvellent? Et dans quel but chercher à sortir des archétypes? En 3, comment l'interprétation du joueur ou de la joueuse ancre-t-elle un personnage dans son archétype ou au contraire l'en éloigne? Et comment travailler là-dessus en tant que joueur ou joueuse? Enfin, en 4, s'il reste du temps, le GN, en tant qu'activité productrice d'une sous-culture, crée-t-il ses propres archétypes? L'enregistrement me fait un écho, j'ai l'impression. Oui, effectivement, désolé. Ok, donc on va passer à la première question. Comment les archétypes classiques sont-ils utilisés en jeu, avec quels avantages et inconvénients? Qui veut prendre la parole? Déjà, je pense que première chose sur ces archétypes, c'est que en GN classique, on a des archétypes qui sont très inspirés des archétypes qu'on rencontre dans le jeu de rôle, donc qui sont des personnalités associées à des fonctions ou des rôles qui présentent certains caractères de stéréotypes avec. Oui, et sinon, donc, un peu comme je l'ai évoqué dans l'intro, comme on s'inspire souvent d'histoires, il y a aussi vraiment les archétypes littéraires classiques de situations, enfin de personnages, je sais pas, le héros au grand cœur, la personne qui complote dans l'ombre, etc., qui sont des archétypes littéraires, enfin de la littérature occidentale, qui sont très ancrés, je pense, dans nos mentalités et qu'on ressort beaucoup en GN. Alors, pour revenir un peu donc dans la façon comment les personnages, la façon dont les personnages sont construits en GN. On peut observer deux tendances. Donc, effectivement, principal, il y a le pré-tiré et le joueur, on va dire, laisser un peu à son propre background, à son propre jeu. Dans le second cas, là où le joueur doit faire son propre background, en général, ce qu'on observe, c'est justement que le joueur va récupérer un archétype classique, parce que ça va être une façon aussi d'appuyer son jeu. Si aucun jeu d'interprétation ne lui est fourni par l'organisation. Donc là, c'est voilà une des grosses utilisations jeunes de l'archétype classique. Et son avantage, c'est la facilité d'application, sans que le personnage soit intriqué dans une toile d'intrigue et une toile d'interaction très complexe. Par contre, sur du pré-tiré, c'est vrai qu'on peut aller beaucoup plus loin qu'un archétype classique, si on peut prendre le temps de construire le personnage. Alors, je pense que effectivement que les archétypes sont très fréquents parce que qu'on crée son personnage soi-même ou que ce soit un orga, on va avoir tendance à chercher de l'inspiration autour de nous. En général, on va aller chercher dans le registre de la fiction, donc que ce soit dans les livres, dans les films, dans les jeux vidéo. Donc, ça sert à trouver des angles. En ce qui me concerne, une chose que je fais en tant que créatrice, c'est que j'aime beaucoup utiliser des archétypes multiples, parce que le GN, c'est quelque chose de collectif, et souvent des archétypes qui fonctionnent par contraste. Donc, par exemple, on va mettre en contraste un perso qui va être plutôt dans l'action, qui va être plutôt tête brûlée, avec un perso qui va être plutôt calme. Si on a une fratrie, on va avoir aussi des archétypes pour l'aîné qui va avoir toute la responsabilité du monde sur le dos, le deuxième qui au contraire va être plutôt rebelle et le troisième qui va être un peu surprotégé. Les archétypes de groupe aussi fonctionnent très bien. Par exemple, il y a un archétype très classique et si vous avez un groupe de quatre personnages féminins, vous allez avoir un personnage qui est plutôt terre à terre, un personnage qui va être plutôt très actif femme d'action, un personnage qui sera plutôt timide et fleur bleue, et un autre personnage qui sera plutôt séductif, donc séducteur, séductrice. Donc voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est très intéressant en GN, c'est qu'on peut travailler sur des archétypes collectifs. Et contrairement à la fiction, on n'est pas obligé de se limiter à un seul personnage protagoniste, donc développer ces archétypes-là de manière collective, et en plus en leur donnant des traits de caractère différents, bah forcément ça va donner des potentiels de scènes, de discussions, de conflits, parce qu'ils auront des manières différentes d'appréhender le monde et de réagir face à une situation. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Muriel et je vais l'illustrer avec un exemple dans un jeu que j'ai créé récemment, le Dortoir des Papillons, qui est un jeu qui s'inspire des mangas scolaires japonais. Là, je me suis beaucoup inspirée il y a beaucoup de mangas où on a un groupe de héros ou d'héroïnes avec ces contrastes. Bon, je me suis en particulier inspiré de Sailor Moon, où on a cinq personnages avec cinq personnalités bien définies, bien différentes. Et en effet, ce type d'archétype de groupe permet d'avoir des personnages à la fois faciles à intégrer individuellement, mais aussi de poser assez rapidement les relations qu'il y a entre chacun des personnages du groupe, puisque ce sont des choses, enfin, on a déjà vu ou lu ce genre d'interaction dans des fictions. Un des avantages de l'utilisation d'archétypes aussi, c'est notamment dans le cadre de jeux pour des débutants. C'est-à-dire que j'ai souvent été amené à faire des jeux pour des gens pour qui c'était les premières expériences de Murder Party ou de mini-GN, et pour qui il y a pas nécessairement de préparation pour participer à ces petits jeux. Et donc, en quelques minutes, il devait pouvoir saisir un personnage ou enfin, en tout cas, leur fiche de personnage et le rôle qu'il allait devoir jouer. Et donc, utiliser des archétypes qui, alors si en plus, ils peuvent répondre au code culturel des participants, ça permet évidemment de rentrer très, très vite dans le jeu et dans un personnage. Je plus sois aussi sur la question d'utiliser, d'un autre côté, utiliser les archétypes quand on commence à écrire un jeu, en sachant que quand on peut définir ses premiers personnages, avant même qu'on ait parfois un nom ou une idée de ce qui va derrière, pouvoir poser des archétypes et s'en servir un petit peu comme une matière brute à enrichir et à tailler par la suite. C'est évidemment une facilité pour le travail de création de personnages et de réseaux et de relations entre eux. Oui, et outre pour les débutants, le fait d'utiliser des archétypes simples est aussi beaucoup utilisé pour les jeux courts où il n'y a pas de fiches, enfin les jeux courts et transparents, où il n'y a pas de fiches envoyées à l'avance, et où les joueurs et joueuses vont choisir leur personnage sur place. Ça doit être fait assez rapidement. Du coup, là, les organisateurs donnent juste l'archétype assorti d'une petite phrase pour définir un peu plus. Donc, c'est ce que j'ai fait sur le Dortoir des Papillons. C'est également ce qui est utilisé dans Transhumance. Chaque personnage est défini par un mot archétype plus quelques lignes. Et cela permet de faire un casting très rapide d'utiliser ce moyen. Alors, ça va peut-être être un peu en marge, mais sur les archétypes qui fonctionnent aussi, ce sont des archétypes dans lesquels plus ou moins incorporer aussi une trame narrative, parce que ça, ça fonctionne très bien pour bah, donner des objectifs, ou au moins, si on veut pas avoir une liste d'objectifs façon liste de courses, au moins les sous-entendre. Donc, je pense à des classiques comme un personnage qui va être un archétype ambitieux, par exemple, et qui va chercher à conquérir tel ou tel positionnement, ou une victime d'un tort qui va chercher à obtenir une revanche. Bien évidemment, un personnage amoureux, ça implique un arc narratif autour de la romance, qu'elle se finisse bien ou mal. Donc souvent, mon impression est que les archétypes les plus efficaces sont ceux qui aussi finalement, indirectement, posent les bases de l'arc narratif du personnage, ou au moins vont sous-entendre ses motivations, parce que qui dit motivation dit action, et l'intérêt du gène, c'est justement d'être en situation de réagir et d'interagir. Effectivement, oui. Donc, après, voilà, on en parlait surtout des avantages de construction qu'offrait l'archétype. C'est vrai que donc, ça permet vraiment de bâtir d'avoir une première étoffe, on va dire. Donc, je voudrais parler un peu de l'inconvénient d'utiliser un archétype classique. Ça va être souvent en fait on peut tomber assez rapidement dans la caricature. Donc, ça dépend du genre de jeu forcément, mais par exemple sur un jeu, mettons politique, c'est vrai que partir d'un archétype, ça dépend le degré de sérieux qu'on veut dans le jeu, mais ça risque derrière d'avoir des conséquences assez fâcheuses sur l'image que donne le jeu. Et en fait, ça peut donner quelque chose qui détonne un peu, de drôle, de choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'où il faut partir, mais dont il faut rapidement se détacher au final, si on veut des jeux un peu sérieux qui font ressentir autre chose qu'un jeu amusant. Je te rejoins, et au-delà de ça aussi, pour certains types de personnages, si l'archétype est trop évident pour les joueurs qui vont interagir avec ce personnage, ça peut aussi parfois simplement bloquer le jeu. Si à un moment on a un personnage qui est une mauvaise caricature, mais qui est manipulateur, et on va jouer dans des archétypes de ce genre-là, et ça peut aussi amener simplement les autres joueurs à directement l'identifier en tant que tel, et donc en tout cas les autres personnages, enfin non, les autres joueurs, je dis bien, à l'identifier en tant que tel, et donc à changer les relations qu'auront les personnages, les interactions qu'ils auront avec ce personnage-là. Oui, en effet, il y a des archétypes qui peuvent avoir un effet. Un archétype un peu sombre peut trop vite identifier, en effet couper du jeu. Bon, personnellement, j'aime bien jouer avec les archétypes, c'est-à-dire donner à une personne un archétype extérieur d'une sorte, et que pour des jeux avec des bacs travaillés, qu'intérieurement, ça soit beaucoup plus complexe et que ça s'écarte franchement de cet archétype. Mais là, je m'avance peut-être sur la partie suivante. Sinon, un autre désavantage que je vois aux archétypes, c'est que donc non seulement on peut avoir tendance à retrouver un peu toujours les mêmes types de personnages, les mêmes séries de personnages sur différents jeux, mais surtout, le désavantage en tant que joueur et joueuse, c'est quand on a été associé à un archétype de personnage, finalement on se retrouve à être toujours casté dans ce type de personnage. Je pense que c'est quelque chose qui a dû arriver à de nombreuses personnes. Personnellement, moi, quelque chose qui est lié aussi à mon archétype dans la vie réelle, on va dire, je me retrouve très facilement dans le rôle de la personne politisée qui combat l'injustice et ce genre de choses, et rigoureuse et tout ça, car ça correspond aussi à l'archétype que j'adopte, mon masque public, on va dire. Alors effectivement, pour les inconvénients, moi je vois aussi deux choses assez similaires quand l'archétype devient un cliché. D'abord, il y a effectivement aussi le côté prévisible, donc que ce soit un personnage dont on va tout de suite deviner que c'est un méchant, ou alors un personnage qui a été tellement vu qu'il en vient à susciter le désintérêt. Le problème du typecasting, donc d'être toujours associé au même archétype de personnage, est intéressant, ça je n'y avais pas pensé. Et ensuite, il y a la question, alors le terme est chargé, mais on va dire des archétypes qui sont problématiques dans le sens où ils reflètent une certaine vision de la société. Parfois, c'est des archétypes qui ne vont pas être problématiques tout seuls, mais qui, par la répétition, peuvent le devenir. Donc, par exemple, typiquement, je prends un sujet que je connais très bien, qui est celui des rôles féminins. Si dans un jeu, tous les rôles féminins sont des rôles de soigneuses, de mères de famille, de personnages qui prennent soin des autres, ça donne une vision du fait que les femmes ne peuvent pas être autre chose que des soigneuses et des personnes en charge du care. Et ça, c'est relativement problématique. On pourrait, sur un sujet que j'étais en train de traiter pour un article récemment, si la seule motivation pour votre personnage féminin de partir à l'aventure, c'est qu'elle a été violée, c'est problématique aussi, parce que là aussi, ça donne l'impression qu'il faut ce type d'événement traumatique et qu'une femme ne pourrait pas avoir envie d'être simplement aventureuse par elle-même. Et ça pose donc la question de savoir avec quelle représentation on aborde l'écriture du personnage. Alors je vais m'éloigner un petit peu de ce dont on parle actuellement. Une autre utilisation des archétypes que j'ai vu ou entendu parler, c'est l'utilisation du MBTI. Le MBTI est un test créé à la base pour le management, il me semble, et se basant sur les archétypes de Carl Jung. Il n'a donc pas de base scientifique, mais il permet de donner 16 types de personnalités, surtout 16 façons d'interagir avec les autres, qui est un reflet correct de la réalité. Et donc j'ai entendu parler de jeux qui utilisaient le MBTI pour le casting, non pas à partir du MBTI que des réels des gens, le type réel des gens, mais le type qu'ils avaient envie de jouer. Et moi-même, sur un jeu sur le silence de la neige, jeu romanesque avec des personnages assez écrits et complexes, après les avoir écrits, j'ai rapidement établi le MBTI de chacun de mes personnages, juste pour m'assurer que mes personnages étaient assez variés, qu'il n'y avait pas que deux ou trois types représentés, mais que cela représentait un panel de personnages variés comme dans la réalité. Alors, je trouve ça super intéressant que tu aies fait ça dans ce sens-là, c'est-à-dire vérifier, entre guillemets, à l'aide du MBTI si les personnages étaient assez variés. Je pensais à faire l'inverse, effectivement, parce que le MBTI... Même si il y a ses défauts, etc., mais il présente l'avantage d'effectuer d'offrir des profils complets, enfin des archétypes assez développés sur lesquels s'appuyer. Mais j'avais pas du tout pensé au fait de faire le MBTI après, et je trouve ça, c'est vraiment une bonne idée, en fait. Donc, voilà. Alors, je l'ai fait après simplement parce que j'y ai pensé après. Mais je ne pense pas que j'écrirais un jeu en commençant par les définir par le MBTI. Car même si c'est en effet des profils assez complets, ils sont quand même... Mes références principales sont quand même la littérature, les films, etc. Et donc, c'est une approche qui est quand même assez froide d'aborder d'abord par le profil MBTI. Et je pense que ça peut être un peu casse-gueule de commencer par d'abord définir le profil MBTI et d'ensuite remplir le personnage. Et que si on n'est pas à l'aise avec certains profils qui sont éloignés de soi-même, on risque de faire des personnages un peu creux. Mais bon, c'est... pour moi, c'est un risque que je vois. D'autres personnes seraient peut-être très à l'aise avec ça. Ceci dit, ouais, effectivement, c'est C'est quand même un très très bon moyen de s'éloigner en fait des archétypes de Heroic Fantasy, comment dire, et d'avoir une méthodologie en fait de le faire. Parce que oui, du coup on peut construire des personnages des personnages bâtis sur une personnalité. Et comme tu dis, le problème des personnages creux, si effectivement on a des profils, on a un profil assez antagoniste par rapport à un autre et on n'a pas vraiment d'idée de comment ça marche. Essayer de s'associer avec différentes personnalités, je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible, ça dépend quel GN. Après, c'est sûr, ça va être sur un GN assez, assez poussé, il va y avoir besoin de ça. Parce que là, on est très loin des archétypes de littérature, d'heroic fantasy ou de choses comme ça. On est quand même, je pense, à une étape un deuxième, voire troisième niveau au-dessus. Et en fait, je pense qu'on a, en fait, on est pas mal parti de la question du classique. c'est plutôt une bonne chose. Mais voilà. Un autre point par rapport à l'idée d'avoir des archétypes qui fonctionnent les uns par rapport aux autres, quand j'utilise des archétypes, j'essaie aussi de voir comment les personnages vont fonctionner par rapport aux autres en partant du principe que, bien connu, que chaque personnage doit être le protagoniste de sa propre histoire. Et donc pour chacun d'entre eux, je vais regarder par rapport aux autres personnages, quel va être son allié ou la personne dont il est le plus proche, quel va être son antagoniste, quel va être potentiellement son mentor, s'il y en a un, quel va être son love intérêt sentimental, s'il y en a un. Donc les archétypes, une fois encore, fonctionnent aussi par rapport aux autres et peuvent varier. Donc c'est le personnage qui sera... un antagoniste et donc peut-être le méchant de l'histoire, mais peut-être avec des bonnes raisons pour l'un, sera le plus proche ami d'un autre. Donc ils peuvent varier en fonction de l'angle à partir duquel on le considère. Si nous avons fait le tour du tour d'horizon, on peut continuer donc sur la partie 2 dans laquelle nous sommes déjà un petit peu entrés. Est-il possible de créer des personnages qui sortent des archétypes ou qui au moins les renouvellent? Et quel est l'intérêt de s'éloigner des archétypes classiques? Pour moi, il y a plusieurs stratégies qui existent dans le fait de s'éloigner des archétypes, donc à des fins évidentes, d'éviter les clichés, d'éviter les choses trop prévisibles. Le premier, c'est pour rebondir ce que tu disais, Zandera, sur dire un perso qui va en apparence être un archétype et en fait être autre chose. C'est un principe de rédaction qu'on appelle la subversion de l'archétype. Donc ça marche en général très très bien parce que... comme il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'interaction sociale, mettre que les apparences sont trompeuses ou qu'on peut se tromper en jugeant au premier regard, c'est une bonne chose. Par exemple, j'ai un personnage sur un jeu où tout est fait pour qu'on s'attende à ce que ce soit un salaud ou du moins quelqu'un qui soit extrêmement, extrêmement politique et froid, alors qu'en fait, c'est... C'est un des personnages les plus sociables et les plus altruistes du jeu. Un autre principe, c'est ce qu'on appelle la déconstruction, c'est-à-dire c'est utiliser un archétype, mais en fait montrer à quel point, s'il n'était pas héroïsé ou dans un cadre de fantaisie, il serait absolument horrible. Et pour la suite, je vais citer le jeu Steve Waters Run Deep, de Rouja, son nom de productrice, de Marianne. Donc, qui est un jeu victorien Jane Austen, et on sait que dans le romanesque, la période victorienne a été très largement traitée, avec souvent plutôt des arcs qui se finissent bien, et là, son parti pris était de faire quelque chose de très réaliste, portant en particulier sur les relations hommes-femmes, et ça permet de montrer que certains archétypes qu'on avait beaucoup joués comme héroïsés sont en fait dans un cadre réel de véritables relations sociales et de contraintes sociales absolument horrible. Et ça fonctionne aussi extrêmement très bien. Et la troisième stratégie, une fois encore, pour moi, c'est de diversifier parce que, comme avec l'exemple que je disais tout à l'heure, le problème n'est pas d'avoir un archétype qui est un peu cliché, mais que s'il n'y a que ce type d'archétype-là, forcément, ça deviendra caricatural. Alors que un personnage véritablement archétypaux, mais avec d'autres personnages plus différents qui peuvent contraster, bah, finalement, ça passe très bien et ça permet de continuer à utiliser des archétypes classiques sans finalement se retrouver enfermé par ces derniers. Je vais poursuivre sur l'idée de la diversification du personnage. C'est en effet ce que je pratique dans les jeux que j'écris. Alors, aussi bien les jeux avec des bacs très écrits où les personnages vont avoir un archétype social, mais derrière une réalité beaucoup plus complexe, car le jeu que j'ai écrit avec bac très écrit, c'est un jeu réaliste, donc chaque personnage a vraiment un vécu et des motivations compréhensible par tout le monde s'il ou elle s'était retrouvé dans la situation du personnage. Donc vraiment donner plusieurs couches au personnage. Et pour les jeux courts où il n'y a pas de bac écrit, donc j'avais dit dans la partie précédente que j'avais donné des archétypes à choisir aux joueurs et joueuses. Mais derrière ça, en atelier, j'ai donné la possibilité aux joueurs et joueuses de créer des éléments supplémentaires qui enrichissaient et diversifiaient leurs personnages. Donc là, je vais reprendre l'exemple de mon jeu scolaire japonais. Les archétypes étaient, il y avait le ou la déléguée de classe, la personne timide, etc. Derrière ça, ils avaient tous un bac familial personnel un peu secret en lien avec le côté fantastique du jeu. Mais surtout, je leur ai demandé de se choisir des activités ou des loisirs ou des centres d'intérêt dans une liste que j'avais définie afin de m'assurer que ces centres d'intérêt se croisent et qu'il y ait des interactions. Et je les avais encouragés à choisir aussi bien des choses qui allaient dans le sens de leur archétype que des choses qui pouvaient être leur passion secrète, qui là allaient à contresens pour donner du relief au personnage. Et ensuite, pour ces jeux où la base de personnage est très faible, c'est aussi notre travail en tant que joueurs et joueuses de donner du relief à nos personnages et de ne pas se contenter de l'archétype, mais de leur donner une vie plus complète. On avait joué un GN à la BOGN l'année dernière, qui est donc joué sur l'avancement temporel, c'est-à-dire qu'il y avait trois scènes. Chaque scène se déroulait à un instant différent de la vie, donc 10 ans plus tard ou quelque chose comme ça. Et les backgrounds, les pistes d'évolution entre les différentes scènes étaient données aléatoirement. Donc, c'est-à-dire qu'on commençait clairement avec, entre guillemets, des archétypes. C'était donc moderne, donc il y avait le premier de la classe, la personne qui était le bon dernier mais qui faisait rire tout le monde, ainsi de suite. Mais en fait, l'évolution de cette personne-là va être donnée aléatoirement, donc sans aucune spécialement établir de lien logique qu'on pourrait avoir dans notre imaginaire, que le premier de la classe va devenir ingénieur, que le dernier il va rater sa vie de toute façon. On pouvait pas savoir. Et ça donnait en fait des histoires assez, pas forcément irréalistes, pas forcément illogiques, et en fait assez originales. Et l'avantage aussi, c'est qu'il y a une histoire de rejouabilité, c'est-à-dire comme c'est un jeu transparent, que le jeu est généré assez aléatoirement au fur et à mesure des scènes, on aura toujours un personnage un peu différent, même s'il est généré assez rapidement, sans forcément trop travailler dessus. Et c'est assez intéressant comme piste pour sortir des archétypes. Sur la question que j'avais posée, dans quel but chercher le renouvellement ? Donc, en effet, l'intérêt, c'est d'éviter de tomber dans les stéréotypes et de faire des choses un peu nouvelles. Mais je pense qu'il faut quand même se méfier d'éviter de vouloir sortir des archétypes uniquement pour sortir des archétypes. Il faut qu'il y ait un propos, qu'il y ait la volonté de déconstruire éventuellement les archétypes existants en faisant des personnages qui s'en écartent, que la nouveauté apporte ne soit pas juste là pour faire du nouveau, car sinon cela donne des choses qui sont difficiles à s'approprier, qui n'ont pas forcément d'intérêt de jouabilité, car si les archétypes existent, c'est qu'ils correspondent aussi aux choses qui sont intéressantes. Les archétypes littéraires ou enfin les archétypes de fiction sont, voilà, ça correspond aux personnages qui sont intéressants, et même s'il est possible de faire des personnages intéressants qui s'en écartent, en voulant, si on n'a pas de propos derrière, si on ne réfléchit pas assez profondément, on risque de faire des personnages creux, je pense. Une autre stratégie, à mon sens, qui est importante pour renouveler ou au moins approfondir les stéréotypes, je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais par rapport au développement de tes propres personnages, c'est effectivement d'expliquer comment ils en sont arrivés là, parce que c'est vrai que l'archétype fonctionne souvent comme un personnage de base. Et en particulier, si on parle d'archétypes d'antagonistes ou d'archétypes jeunes, par exemple, donnent souvent l'impression d'avoir été posés là en venant de nulle part, et qu'en fait, leur statut d'archétype sert simplement à faire avancer le scénario. Alors que si on développe suffisamment la backstory pour expliquer comment ils en sont venus à adopter ce trait de caractère, ou pourquoi, en tout cas, le monde extérieur les perçoit comme ça, ça permet tout de suite d'ouvrir beaucoup plus de fils de narration que de simplement dire tu joues le grand méchant du scénario parce qu'il faut qu'il y en ait un, mais les motivations à ce qu'il ou elle se comporte comme un antagoniste ne sont pas véritablement explicitées. Donc oui, c'est... Particulièrement pour les personnages d'antagonistes, il n'y a rien de plus frustrant pour un joueur ou une joueuse de se retrouver avec un personnage méchant qui est méchant parce qu'il est méchant. Donc c'est là qu'en effet, approfondir l'archétype est absolument nécessaire, sinon le jeu est totalement inintéressant. Et donner des motivations. Mais les motivations aussi peuvent facilement tomber dans les archétypes. Muriel, tu as évoqué le cas du viol qui pousse un personnage féminin à devenir actif, etc. C'est un peu, pour un personnage d'antagoniste, les histoires de vengeance, de subir une maltraitance qu'il reproduit sur les autres, sont aussi des éléments archétypaux, et il faut faire preuve d'un peu d'imagination pour donner une cohérence au personnage sans que ce soit non plus quelque chose de vu ou lu des centaines de fois. Également, oui, par rapport à ce qui a été dit précédemment, donc au point précédent, il y a l'idée de la subversion qui est très intéressante, donc dont avait parlé Muriel, pour sortir des archétypes, c'est-à-dire que créer au final un archétype, un personnage très archétypal, limite qui peut paraître parodique, et au final essayer en fait dans le jeu de l'insérer comme étant, qui prend totalement au contre-pied son rôle, sa parodie, et essayer au contraire de s'échapper de son archétype. Je sais pas, par exemple, en Heroic Fantasy, on peut décider un elfe charcutier, un nain qui décide, je sais pas, de Brian Biocop ou ce genre de choses. Enfin, à mon avis, ça peut être des choses très intéressantes. Donc là, je parle très d'Heroic Fantasy, mais après, c'est reportable, bien sûr, dans des jeux plus sérieux où l'archétype va être en fait une. Ça peut être un archétype en soi, hein, mais partir d'un archétype. Et donner comme consigne de jeu, s'échapper de cet archétype pour essayer de le briser et de montrer aux autres qu'il peut y avoir autre chose. Et ça peut être aussi une façon de briser ça. Je pense qu'une piste qui peut aussi être explorée, c'est la conscience du personnage dans son archétype. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer l'archétype d'une. On pourrait imaginer en fait qu'une. J'invente, mais dans le cas, on reprenait l'idée enfin, l'idée d'une classe, bah, dans le cadre d'une. On pourrait imaginer d'une personne qui souhaite se faire passer pour étant un petit peu. Comment est-ce que je vais dire, la rebelle, la fille en marche de la classe, et qui donc va jouer elle-même sur cet archétype parce que c'est l'image que son personnage a envie que le personnage a envie de faire transparaître auprès du reste de la classe, et donc que ce personnage paraisse pour étant la rebelle de la classe, et derrière tout ça, en fait, avoir eh bien, une personne qui est au contraire en son fort, enfin un personnage qui est au contraire dans son fort intérieur, ben fanat de lecture, qui a une compréhension des matières qui sont présentées, ce genre de choses, et donc avoir en fait le personnage qui joue lui-même sur un archétype qu'il a envie de faire passer aux autres. Oui, alors un autre angle d'attaque aussi, c'est je pense inciter les participants et puis s'inciter soi-même quand on est organisateur et scénariste à risquer le casting à contre-emploi ou avec la permission et l'intérêt des participants, bien évidemment. Souvent aussi, le problème de l'archétype, c'est qu'on a tendance à tourner un peu avec les mêmes personnages. Moi, je sais que quand je crée mon propre personnage, c'est pour ça que j'aime pas le faire. J'ai tendance à peu à tomber avec sur des archétypes de personnages que j'aime bien parce que je sais que même si c'est pas très original, j'aurai toujours une bonne expérience par rapport à ça. Alors après, c'est toujours un équilibre parce que si on va trop dans un archétype à contre-emploi, on peut se retrouver avec quelque chose qu'on n'arrive pas en fait à jouer, qui finalement nous plaît pas. Donc ça doit faire partie l'objet de beaucoup de discussions et de conversations, mais je pense que c'est quand même une perspective à garder à l'esprit. Et un bon exemple pour ça, bah, c'est par exemple l'exemple des sessions en genre inversé, donc où des participantes qui s'identifient femmes, vont jouer des archétypes masculins, et inversement, d'avoir des hommes qui vont jouer des archétypes féminins. Et donc là encore, le style Waterbending, moi j'ai joué sur une session en genre inversé, et c'était très intéressant parce que j'ai eu à jouer un archétype masculin de propriétaire de domaine, d'homme très important et donc en charge d'avoir à tout porter sur ses épaules. Et c'est quelque chose. Et pourtant, j'avais joué des dirigeantes, des femmes de pouvoir, mais le jouer du point de vue d'un rôle masculin et avec les attentes qui se portaient sur un homme, ce n'était pas. Pas du tout la même expérience, et ça a été extrêmement enrichissant pour moi. Alors, je rebondis tout à fait là-dessus. C'est assez intéressant, effectivement, parce que un des premiers archétypes qu'on peut avoir, c'est l'archétype de genre, enfin, les archétypes de genre. C'est-à-dire que directement, le genre va associer un spectre, un panel d'archétypes par rapport aux différents genres. Mais un des exercices auxquels je m'attelle en général en tant que quand j'écris un GM, quand j'en organise, c'est d'écrire tous les personnages, ou la plupart, en fait non, c'est tous, sans genre. C'est-à-dire que un homme ou une femme, un personnage masculin ou un personnage féminin peuvent avoir ce background, peuvent avoir cette histoire. Donc, peut-être c'est passé à côté de certaines choses, certains rapports de domination, rapports enfin, sous-domination, mais en même temps, c'est quand même assez intéressant au niveau. Bon, alors, c'est peut-être un petit peu loin de la notion d'archétype, mais pour moi, ça l'est quand même. L'archétype de genre est quand même très important et très ancré. Et voilà, essayer d'écrire des personnages assez vastes, assez larges, pour inclure les deux genres, enfin même, enfin plus que les deux genres, pour inclure tout le monde, c'est quelque chose d'intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec la phrase les premiers archétypes, ce sont les archétypes de genre. Et donc, c'est quelque chose qui, lorsqu'on écrit des personnages, le fait qu'ils soient de tel genre doit être questionné comme tous les autres éléments d'un archétype. Donc, personnellement, sur mon jeu très écrit, le Silence de la Neige, j'ai fait à la fois des personnages qui s'inscrivent vraiment dans un archétype de genre pour questionner ces archétypes de genre, et à côté des personnages peut-être un j'ai, fun n'est pas le bon mot, mais plus qui sont sur des intérêts de jeu différents que de se questionner sur le genre, où ils ont quand même un genre attitré, car c'est un jeu historique où il n'est pas possible de faire des personnages vraiment un genre, même si le casting, lui, est à genre. Et où donc l'archétype principal du personnage est à genre, et ce sont quelques éléments du bac qui correspondent au genre du personnage. Oui, juste pour ajouter sur la question des archétypes de genre et aussi leur déconstruction, Axel Cazeneuve a écrit un très bon article là-dessus, qui était entre autres le compte-rendu d'une table ronde qu'elle a organisée à Bétalarp là-dessus, et dont je recommande absolument la lecture. Est-ce que les gens ont des choses à ajouter sur ce point, ou est-ce que nous passons au suivant ? Ah, d'accord. Juste éventuellement, là, on s'est beaucoup posé la question de comment est-ce qu'on sortait les archétypes. Et en fait, il y a une question que j'aimais bien, enfin une formulation que j'aimais bien dans la question, c'est: est-il possible de créer des personnages qui sortent des archétypes ? Parce que finalement, il y a toute une part d'inconscient dans ce qu'on écrit, c'est-à-dire qu'on est vraiment soi-même façonné par des visions de la société, par des idéologies, par des rapports de domination qui font qu'en fait, je pense que c'est très très compliqué de questionner ça. Typiquement, en français, vu que le français est un langage, une langue extrêmement genrée, c'est compliqué de ne pas assigner un genre à ces personnages, même quand on l'écrit sans genre. Typiquement, à l'heure actuelle, avec Théo, on est en train d'écrire un gène où tous les personnages sont à genre. Et pourtant, dans ma tête, je sais que j'ai tendance à engendrer certains au féminin et à engendrer d'autres au masculin, même si on ne les a pas du tout pensés dans une optique de genre. Parce qu'en fait, il y a tout un tas de choses qu'on ne contrôle pas du tout dans la production et dans la reproduction d'archétypes. J'ai rencontré le même problème en écrivant les personnages de danse d'une nuit d'été, donc un jeu court, transparent, sur des fées, une nuit pour des fées. Donc tous les personnages sont écrits au féminin, puisque ce sont des fées, mais peuvent être joués indifféremment par des hommes et par des femmes, par des personnes s'identifiant comme hommes ou s'identifiant comme femmes. Mais c'est vrai qu'en les écrivant, j'avais certains archétypes en tête. Typiquement, il y a un personnage qui s'inspire de Dumbledore, donc dans ma tête, je ne peux m'empêcher de penser à un personnage masculin, et divers autres, selon les diverses inspirations dans lesquelles j'ai puisé, je ne pouvais pas m'empêcher, dans ma tête en tout cas, de genrer certains des personnages, même si j'ai essayé que cela ne se sente pas dans l'écriture. Et d'ailleurs, lorsque là, j'ai fait tester ce jeu, ce personnage inspiré de Dumbledore a été joué par une joueuse. Et inversement, des personnages que j'imaginais comme féminins ont été choisis par des joueurs hommes. Sur la question, est-il possible de sortir totalement des archétypes ? Personnellement, je ne crois pas. Je pense que notre esprit est ainsi conçu, ainsi rempli, que tout ce qu'on peut faire, c'est déconstruire, inverser des archétypes, les critiquer, mais qu'au final, les archétypes restent toujours notre point de départ dans la création d'un personnage. Et donc voilà, qu'on peut les renouveler, mais il me semble très difficile, voire impossible, d'en sortir totalement. Et en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas sûre que ce soit intéressant de chercher à en sortir totalement, car cela risquerait d'aller vers des choses creuses, puisque ne renvoyant à aucune référence. Alors moi, en réfléchissant plutôt à la deuxième partie de la question, dans quel but, on peut essayer de trouver un intérêt à sortir donc de l'archétype, notamment en fait, je vois par rapport au public ciblé. Est-ce qu'on veut des joueurs débutants? Est-ce qu'on veut plutôt des joueurs expérimentés, ce genre de choses? Comme on l'a bien dit au début, un joueur débutant, ça va être beaucoup plus facile pour lui de jouer un archétype. Quelque chose qu'il connaît, qu'il a déjà lu, qu'il a déjà vu en film, et ainsi de suite, sur lequel son imaginaire est déjà construit. Par contre, un joueur un peu effectivement expérimenté, qui a déjà vécu pas mal de jeux de rôle grandeur nature, pour lui, ça va être rébarbatif, il va l'avoir déjà vu, il va, et même, comme le disait Barreau, trouver l'intrigue, trouver le dénouement au bout de 20 minutes de jeu, parce qu'il connaît les archétypes d'écriture, et ainsi de suite. Donc du coup, effectivement, c'est dans quel but le but est là, c'est de garder un peu un amusement, mais surtout pour des gens qui ont l'habitude, en fait, pour des connaisseurs, comme on pourrait dire. Bon, après, bien sûr, pour les débutants, tout se rattrape par atelier, tout se rattrape par préparation au jeu, hein, évidemment. Mais voilà. Je vais principalement abonder dans le sens de Zandera. En fait, ce genre de réflexion, je suis déjà tombé dessus sur un site qui s'appelle TV Tropes, vous en avez peut-être entendu parler, ce qui se traduit par code de télévision, mais en fait, c'est un site qui parle de tous les codes d'écriture, qui essaie de les répertorier, c'est un peu un fan site, tous les codes d'écriture qu'on peut trouver dans la fiction, et réfléchissent notamment sur est-ce que c'est bon ou pas, enfin, en tout cas, de temps en temps, et pourquoi les utiliser. C'est vrai que l'idée qui prédomine, c'est celle de Zandera, c'est que généralement l'utilisation d'un code ou sa subversion ou sa déconstruction, c'est souvent quelque chose qui doit se faire amener via une réflexion, c'est-à-dire qu'il faut savoir pourquoi on le fait, en fait. C'est-à-dire, c'est pas forcément mauvais d'utiliser un code ou un archétype si on sait pourquoi on l'utilise. Comme tu le dis, Théo, pour un débutant, c'est plus facile pour lui de l'appréhender, par exemple, ou d'être dans un environnement familier. Voilà. En fait, du coup, je me pose la question, est-il vraiment possible de totalement sortir lorsqu'on crée les personnages, est-ce qu'il est possible de totalement sortir des archétypes? Et donc, puisque à chaque fois qu'on essaye de créer quelque chose, finalement, on essaye de s'inspirer de jeux d'acteurs qui nous ont marqués, d'autres personnages qui nous ont marqués, d'un jeu de rôle ou d'un... Peu importe, enfin, dans tout cas, on va rechercher dans notre mémoire des éléments qui nous ont marqué d'une certaine manière, des interprétations qui nous ont marqué d'une certaine manière, et on essaye de les injecter ou d'en injecter une partie dans ce personnage. Et donc, en fait, est-ce que du coup, il n'y aurait pas, d'une part, un intérêt quand on parle d'archétypes, je vais y arriver, de parler des archétypes plus ou moins forts, c'est-à-dire des archétypes soit qui sont, je prenais l'exemple tout à l'heure du Emor, et donc il y a le seigneur des mondes de la Discord, ça va être un archétype très fort, tandis que j'ai été un autre personnage qui aurait été créé en ayant puisé un petit peu de Gandalf, mais aussi un petit peu de Dumbledore et un petit peu de ceci et cela, tout en mettant une autre couche. Là, on aura quelque chose, un archétype qui serait peut-être plus complexe, ou un article qu'on pourrait parler peut-être d'archétype simple, complexe, peut-être il y a de ça, ça ne va pas aller dans l'idée de quels sont les intérêts de sortir de ces archétypes, mais au contraire, je trouve que pouvoir dire, même dans le cadre d'un archétype complexe, pouvoir dire les inspirations viennent de telle et telle source, je trouve que ça peut vraiment être un plus pour le joueur ou la joueuse dans le cadre de la préparation du personnage, de pouvoir aller visionner ou peut-être aller consulter les inspirations pour accompagner sa préparation au rôle. Voilà. Oui, un peu la même chose. Je crois qu'on commence à faire transition sur la partie suivante, mais c'est vrai qu'ensuite, même si on cherche à subvertir ou déconstruire un peu un archétype, derrière, il y a l'interprétation du joueur ou de la joueuse qui, de toute manière, va ensuite changer la donne parce que elle et eux vont aussi avoir leurs propres archétypes, leurs propres représentations. Et vont les injecter dedans. Et donc, parfois, tout en cherchant à s'éloigner d'un archétype, finalement, on le retrouve dans l'interprétation des joueurs. Moi, je suis d'avis aussi que finalement, on s'éloigne jamais totalement des archétypes, parce que finalement, enfin, pour moi, le GN est entre et beaucoup de choses, mais entre autres aussi un média et une écriture de fiction. Et donc, ça signifie qu'une partie des archétypes des narrations qu'on a sont des narrations qu'on retrouve dans toutes sortes de types de médias et qui vont revenir d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'est beaucoup plus constructif d'avoir conscience de ces archétypes, de travailler à les rendre intéressants, à les justifier, à les contraster, à leur donner une dynamique, que ce soit dans leur motivation propre ou dans leur relation aux autres personnages, plutôt que d'avoir la prétention de parvenir à s'en détacher complètement, ce qui me paraît compliqué, ou de les réinventer complètement, ce qui peut risquer, effectivement, comme ça a été déjà dit avant, de créer quelque chose de totalement artificiel, totalement creux. Pour moi, la conscience que les archétypes littéraires et les archétypes narratifs existent, c'est un outil, comme d'autres outils qu'on a dans la boîte à outils de l'organisateur de GN, qu'il est utile de bien apprendre à servir plutôt que de chercher, de penser qu'on peut totalement faire abstraction. Alors, si plus personne n'a de choses à dire sur ce point, je propose donc qu'on passe à la partie 3. C'était une bonne transition qu'a fait Muriel. Comment l'interprétation du joueur ou de la joueuse ancre-t-elle un personnage dans son archétype, ou au contraire l'en éloigne? Et comment travailler là-dessus en tant que joueur et joueuse? Je trouve qu'un exemple un laboratoire de ce passage-là de l'archétype écrit à l'archétype joué, c'est l'exemple des jeux qui proposent de réincarner ou d'incarner des personnages de fiction ou des personnages historiques. Je pense notamment, et là c'est vraiment un aspect très laboratoire, je pense au GN Disque Monde qui a eu lieu en automne dernier. Et où non seulement certains personnages du livre étaient joués, mais en plus ils étaient joués en double. Donc là, on a eu affaire à des paires, voire des triplés d'ailleurs, de joueurs et joueuses qui incarnaient le même archétype, et pourtant de façon très très différente. Avec bien sûr le point négatif qu'il y a eu à mon sens, et c'est que c'était impossible de ne pas se dire ce joueur ou cette joueuse joue mieux ce personnage que l'autre. Ce qui est forcément un souci, c'est-à-dire quand on part d'un archétype et quand on demande à un joueur ou une joueuse l'interprétation de l'archétype, on lui demande aussi une performance, et avec le risque de juger sur cette performance. Juste dans le même esprit, il y a Doctor Who, la série Doctor Who, qui est un assez bel exemple de ça, avec un archétype qui est le personnage du docteur, et qui au fur et à mesure est renouvelé par des acteurs différents qui ont des changements de personnalité, etc., qui l'interprètent différemment, et où il y a vraiment cette dualité entre le personnage lui-même, qui normalement ne change pas, pas vraiment, qui conserve une grande partie de ses souvenirs, de ses pouvoirs, etc., et ce qu'en fait l'acteur. Donc, juste voilà, pour rebondir là-dessus. Alors, moi, je vais reparler archétype de genre pour reprendre un peu ce qui a été dit plus haut avec des personnages qui, même écrits de manière neutre, sont finalement imaginés, genrés par les auteurs. Parce que cette année, je me suis retrouvée à deux reprises à jouer des personnages qui étaient écrits à un genre neutre, mais qui avaient clairement été écrits au masculin, et qui, sur les premières sessions respectifs de ces deux jeux, avaient été joués par des hommes. Et même si effectivement, sur le papier, il n'y avait pas matière à identifier le genre du personnage, pour moi, ça a toujours été très clair, parce que le premier, c'était un archétype vraiment de personnage très solitaire qui avait survécu dans la nature pendant très longtemps, et le second, à l'inverse, c'était vraiment un personnage extrêmement extrêmement violent et sadique dans un contexte là clairement de domination masculine. Et donc, pour le compte, j'ai vraiment retourné le personnage et le deuxième, j'ai même pensé à le jouer comme si c'était un personnage masculin, et finalement j'ai décidé que c'était quand même plus intéressant pour moi d'essayer de voir comment je pouvais retourner l'archétype pour que ça puisse coller avec le fait que ce soit un personnage féminin. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, les personnages n'ont pas véritablement changé par rapport à ce qu'ils étaient. Je suis restée dans les rails de ce qui avait été défini par les organisateurs, mais je leur ai donné beaucoup plus de motivation, en fait. Enfin, j'ai vraiment cherché à réfléchir comment un personnage à développer des traits de caractère qui étaient clairement codés masculins. Et ça a donné des choses assez intéressantes à jouer. Mais en même temps, je suis à peu près certaine que mes choix d'interprétation là-dessus ont été très différents des premières sessions. Alors aussi, quand il s'agit d'être joueur, joueuse, on l'a tous ressenti et vu, c'est qu'au début du jeu, on a vraiment en tête de coller à l'archétype ce genre de choses, et au fur et à mesure que le jeu avance, on a des sympathies envers les uns et les autres qui ne sont pas forcément logiques envers le personnage, qui sont aussi liées à nous, à comment on interprète le jeu, et aussi vers quel endroit, vers quel groupe de gens nous portent nos objectifs actuels. Mais au final, c'est vrai que, mettons sur un gène de plusieurs jours, ou suffisamment long en temps, il est possible qu'on s'écarte totalement de l'objectif de l'archétype initial et qu'on se retrouve soit dans un archétype qui est beaucoup plus proche de nous parce qu'on a été mis en difficulté, parce qu'on est stressé, parce que ou ce genre de choses, hein, où du coup on a été dans une zone de confort plus facile à jouer. Et typiquement, comme le disait Axel sur le jeune disque monde, je jouais l'archichancelier qui est donc le chef des magiciens très conservateur, enfin, ainsi de suite. Je me suis retrouvé vers la fin du jeu à faire une réunion pour ouvrir l'université aux femmes, l'exporter dans divers pays, ainsi de suite. Bon, j'étais totalement en dehors de mon archétype, j'étais sur ma zone de confort à moi, qui est beaucoup plus, faites comme vous voulez, libérale et libertaire. et en fait, pour quelqu'un qui joue, c'est vrai que moi j'ai tendance à penser que, bon, sauf peut-être des grandes personnes, on va dire, des gens qui sont très forts à ça, c'est très compliqué de conserver son archétype, et on finit toujours plus ou moins par se rapprocher de quelque chose qui de notre zone de confort. Voilà. Alors en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ça rejoint une discussion qu'on a eue récemment. On parlait notamment dans le cadre de jeux à campagne, le fait qu'effectivement, quand on commence avec un personnage, on est très proche finalement de l'archétype qu'on lui a donné lors de sa création. Et plus les épisodes passent, et au bout du 5, 6, 7, 8, 9e, 10e épisode, si on garde le même personnage, souvent on peut se rendre compte que ce personnage, ou en tout cas que ce personnage est de plus en plus rapproché de la personne qu'on est avec le temps. Et donc voilà aussi une manière de s'éloigner de son archétype, d'où peut-être un jour on va se poser la question, est-ce qu'il est possible de jouer indéfiniment un personnage sans qu'il ne se rapproche complètement de nous-mêmes, mais c'est peut-être un autre débat. Et aussi dans la façon aussi dont sur un autre point, la façon dont un personnage peut qu'un joueur ou une joueuse dans la façon d'interpréter son personnage peut s'éloigner ou ancrer son archétype, et qui amène même d'ailleurs parfois l'orga de voir remodifier certaines choses. Dans la façon d'interpréter son jeu, par exemple, on a eu récemment dans un jeu quelqu'un qui atteint une position de pouvoir, de représentation, quelque chose comme roi, quelque chose du genre. Et sauf qu'en fait, dans son interprétation, le gars avait prévu que ce serait un roi assez imposant, qui est amené à donner une série de règles, de prendre des décisions, ce genre de choses. Et en fait, on se rend compte que pour une série de difficultés d'interprétation, le personnage finalement se retrouve être assez mou dans ses prises de décision. Mais alors du coup, ça change évidemment tout à la dynamique de jeu, puisque on se retrouve évidemment avec des personnages qui vont réagir à l'interprétation qui est faite de l'archétype et qui est donc changée, et aux organisateurs aussi devoir se réadapter leur jeu par rapport à la façon dont interprète le joueur ou la joueuse son personnage. Oui, pour moi, une autre bonne manière de voir à quel point l'interprétation du joueur ou de la joueuse va vraiment changer la dynamique, c'est quand on organise plusieurs fois le même jeu, ce qui est quelque chose qui est assez courant en France sur les jeux de petit moyen format. Et finalement, c'est très intéressant parce que même si on retrouve l'archétype qu'on a mis dans le personnage, il est toujours nuancé par beaucoup de choses qui appartiennent aux joueurs, en particulier à quel point il va jouer le personnage de manière expansive, c'est-à-dire montrer les traits de personnalité à d'autres, ou aussi dans ses relations avec les autres. J'ai par exemple un exemple dans un de mes jeux récents d'une relation mère-fille, donc qui commence assez conflictuelle, mais bon, finalement, il y a quand même beaucoup d'affection entre les personnages. Et en fait, le rôle de la mère en particulier, je l'ai vu aller du spectre de vraiment la mère très aimante et protectrice à, au contraire, une mère qui est plutôt autoritaire en voulant, tout en voulant le bien de sa fille, mais en s'y prenant mal et en jouant plus sur l'autorité, sur la confrontation. Donc finalement, on a sur un même archétype, c'est un exemple du type de diversité d'interprétation qu'on peut avoir et qui dépend des choix des joueurs par rapport à ce qu'ils veulent jouer en termes de conflit, d'intensité dramatique et aussi de rythme dans l'arc narratif. Souvent, un autre point, c'est que les archétypes peuvent changer en cours de jeu. Et c'est ça aussi qui peut être très intéressant. Pour le compte, ça, c'est une stratégie que j'utilise beaucoup en tant que joueuse. Où j'essaye d'identifier l'archétype du personnage et ensuite j'essaye de me demander comment est-ce que je veux qu'il change, est-ce que j'aurais envie finalement qu'il représente un autre archétype à la fin du jeu. Et j'ai un exemple un peu spectaculaire là-dessus où mon personnage était censé être vraiment une très gentille fille qui était en plus censée être... Le personnage était modérément intéressant, était surtout censé être la petite amie aimante, et en plus le courant passait pas trop avec le joueur qui devait jouer son petit ami, et c'était son seul ancrage dans le jeu. Donc c'était un personnage qui était assez difficile à jouer, donc finalement j'ai décidé de lui faire un arc narratif où elle commencerait à se mêler à des choses occultes dangereuses, et où en fait elle deviendrait complètement folle à cause de ça, et c'est devenu très drôle à jouer, mais c'était pas du tout l'archétype qui était prévu au départ. Alors, dans ce qui a été dit, je voulais revenir sur trois points. Déjà, bon, je pense un personnage est de toute façon une création collective entre l'orga qui écrit le personnage et le joueur ou la joueuse qui se l'approprie. Aussi, un archétype, c'est quelque chose d'assez vaste. Et donc, le joueur ou la joueuse va prendre des éléments de cet archétype dans lesquels il se sent à l'aise, mais pas forcément tous les éléments auxquels l'orga a pensé. Et je ne pense pas que ce soit un problème. En fournissant des personnages assez riche, on peut donner aux joueurs et joueuses une palette d'éléments dans lesquels piocher, ou au contraire des personnages assez simples qui pourront être interprétés selon la sensibilité du joueur ou de la joueuse. Parce que de toute façon, quand on interprète un personnage, personnellement, je vais toujours interpréter une part de moi-même. Une personnalité n'est pas quelque chose de monolithique, on a tous plein d'éléments à notre personnalité, et il y a quand même beaucoup de personnages dans lesquels on peut retrouver une toute petite part de sa personnalité, et on va laisser celle-ci se développer pour correspondre à la personnalité du personnage et rejoindre l'archétype, même si ce sera notre interprétation propre de cet archétype. Ensuite, l'autre élément, donc Muriel en a déjà parlé, c'est l'évolution du personnage. Donc ça, dans la méthode électrogéenne, ils en parlent aussi. Donc là, ils prennent ils citent les évolutions classiques de la fiction, d'enfant à adulte, de leader à tyran, etc. De cynique à engagé, ça c'est l'archétype de Han Solo qui au départ... s'en fout de l'Empire et puis finalement va prendre part à la rébellion. Donc, le GN étant aussi une fiction, il ne me semble pas intéressant qu'un personnage reste identique. L'intérêt d'un GN, c'est quand même que le personnage évolue entre la fin et le début. Cette évolution peut être de confirmer son archétype, de le renforcer, mais ça peut aussi être de s'en éloigner, d'aller vers un archétype voisin ou même un archétype contraire pour une évolution très forte. Et là aussi, il me semble que c'est quelque chose, enfin, ce n'est pas un problème, au contraire, c'est même l'un des intérêts du GN. Enfin, le troisième élément dont je voulais parler, par rapport à la façon dont les joueurs et joueuses peuvent s'éloigner de leur archétype sur le papier, c'est on a tous tendance, je pense, à remplir une place dans la narration. Ça, j'y ai assisté de façon assez spectaculaire sur ma bêta test des danses d'une nuit d'été. C'est un jeu prévu avec un nombre fluctuant de personnages. Et là, je l'ai joué avec le nombre minimal de personnages, 9, sachant que j'avais écrit 22 personnages. Et le personnage du... comment ça s'appelle Trickster, le personnage du filou, archétype de fée assez commun, il y avait un personnage qui était vraiment l'incarnation de cet archétype, mais qui n'était pas présent. Et donc, sur le jeu, j'ai vu un personnage qui avait quelques éléments de Trickster dans son archétype, mais qui n'en était pas l'incarnation absolue, prendre la place du trickster dans le jeu, l'incarner pleinement, parce que c'était une place qui était vide et qui était à remplir. Donc, voilà, je n'ai pas encore abouti ma réflexion là-dessus, mais je pense que les joueuses vont aussi s'éloigner parfois de ce qu'il y avait... dans ce qu'ils ont reçu au départ comme instruction sur leur personnage, par rapport à la situation narrative, aux places vides dans la narration, aux opportunités. Alors, sur la question comment travailler là-dessus en tant que joueuse, plutôt dans l'idée de méthode, je pensais à des choses à ne pas faire. Et en fait, il y a quelque chose que j'aime bien essayer de mettre en place sur les GN, c'est l'opposition. Et l'opposition, en fait, se nourrit pas mal d'archétypes. C'est-à-dire qu'il faut... l'opposition la plus simple, et surtout pour un nombre de personnes réduites, c'est le méchant, le gentil, ou deux personnes totalement antagonistes. Enfin, voilà. Il faut que l'antagonisme soit fort. Et le problème de gens qui ne sont pas vraiment antagonistes, qui sont antagonistes que dans un contexte de jeu, c'est que c'est difficile, en fait, à tenir. Moi et Barreau, sur la zone de confort au fur et à mesure du jeu, on commence à se rapprocher plus de nous-mêmes, ce genre de choses. Le risque, c'est qu'à la fin, on risque de mettre de côté les conflits, d'oublier notre archétype de départ d'antagoniste pour au final faire la paix, faire des compromis sympathiques qui n'arrangent pas vraiment les personnages, mais qui arrangent en fait les joueurs qui se libèrent de l'opposition. Et c'est un peu comme on l'appelle ici le syndrome des bisounours qui arrive assez fréquemment, qui arrive assez fréquemment dans pas mal de jeux. Donc c'est le danger, que doit avoir un peu aussi bien l'organisateur que le joueur, c'est que si on s'éloigne un peu trop, à trop vouloir s'éloigner de l'archétype, on risque de détruire en fait le jeu, donc notamment le jeu d'antagoniste, qui est un jeu intéressant et en fait qui bâtit pas mal d'interactions et de jeux dans le sein du GM. Donc c'est voilà. Alors sur ce point-là, j'avais déjà aussi réfléchi sur le fait que les joueurs-joueuses ont une tendance bisounours. Pour moi, il y a deux façons de l'aborder. Soit sur un jeu un peu grand, prendre en compte cette tendance, l'intégrer dans le design du jeu. J'ai déjà vu tellement de jeux où les orgas étaient là, c'était censé être un jeu violent, personne n'a tué personne, etc. Bah oui, mais enfin les gens sont comme ça, ils n'ont pas envie que quelqu'un meure au bout de 2 heures de jeu et s'emmerde le reste du jeu, et c'est normal et même c'est bien que les gens soient comme ça. Donc le prendre en compte, par exemple en me disant j'ai sur Sur les jeux Le Feu de l'Agora, le début du jeu, il y avait une trêve, les actions violentes étaient interdites, ce qui sous-entendait en sous-texte qu'elles étaient autorisées pour la suite. Et donc, voilà, c'était la... finalement, ça cadrait les accès de violence, les antagonismes, etc., en disant quand est-ce qu'ils pouvaient s'exprimer. Et du coup, les choses étaient beaucoup plus... C'est, finalement, les violences étaient... ont été plus et mieux exprimées, je pense, que dans un jeu totalement libre où les gens ne vont pas oser le faire au début et du coup ne vont pas oser non plus le faire ensuite. Sur Le Silence de la Neige, je dis ne tuez pas de personnages avant le repas du soir. Ce qui dit en sous-texte, vous avez le droit de tuer des personnages après le repas du soir. Et de fait, quasiment sur chaque jeu, il y a eu des morts. Alors que si je n'avais rien dit, je pense qu'il n'y aurait pas eu de mort du tout. Donc voilà, donc soit on peut, en tant qu'organisateur, cadrer, soit aussi on peut encourager les joueurs et joueuses par la note d'intention, par les ateliers, au narrativisme, c'est-à-dire à faire que leurs personnages prennent des décisions en fonction de l'intérêt du jeu. Sur ma session du Mad About the Boy, je jouais dans un groupe. Donc le Mad About the Boy est un GN se passant dans un futur dystopique où tous les hommes sont morts, et le gouvernement a organisé une espèce de concours pour choisir des groupes de femmes qui auraient la possibilité de recevoir une insémination artificielle et d'essayer donc d'élever une nouvelle génération. Et donc, j'étais dans le groupe gouvernemental qui était clairement les antagonistes du jeu. On était là pour mettre la pression et pour créer du conflit. Et en fait, sur la première partie du jeu, enfin, plus le jeu avançait, plus on avait tendance à être conciliant, à essayer de trouver des choses qui arrangeaient tout le monde. Et finalement, on s'est fait une réunion hors jeu, les personnages de ce groupe, pour se dire « Mais là, ce qu'on fait, c'est pas dans l'intérêt du jeu. Faut qu'on fasse du narrativisme et qu'on crée du conflit. » Et donc là, même si on était joueur-joueuse, on a agi presque en PNJ, j'ai envie de dire, en faisant en sorte de ce qui était intéressant pour l'histoire, à savoir faire des choses qui n'étaient pas bisounours du tout, qui allaient créer des tensions. Mais c'est parce qu'on était sur un jeu qui permettait de faire ça et d'avoir cette réflexion en dehors du jeu sur le jeu. Et donc voilà, c'est l'autre solution, à mon sens, c'est de pousser les joueurs au narrativisme pour les pousser à aller vers de la création de conflits plutôt que vers de la résolution. Ce qui est plutôt intéressant, c'est justement le point que j'ai amené, ça reprend exactement quelque chose qui vient d'être dit. Alors, on n'a pas encore pu l'essayer, mais j'ai pu le voir sur certains gènes et on va l'essayer sur un futur gène qui va être créé. C'est le fait de dans un gène justement où il y a beaucoup de les gens sont censés avoir des avis forts politiques sur des situations de crise et donc à amener des disputes, à amener des dissensions entre les personnages. Donc déjà en effet comme dit faire des ateliers, faire des préparations, avoir des backgrounds riches pour que les personnages puissent suivre leurs avis, non pas les avis de bisounours des gens qui veulent tout réconcilier. Et pour aider à ça, une force qui a fonctionné à certains gènes et qu'on essaie vraiment de pousser sur ça, c'est de le passer par les PNJ, ce narrativisme, que des PNJ soient des points clés, parce que c'est facile, comme ce que vous avez fait là, de mettre hors jeu un PNJ, plus qu'un PJ, pour le dire, là ils sont trop bisounours, maintenant il faut rajouter du conflit dans ce qui se passe. Et donc d'apporter ce conflit par les PNJ pour relancer les joueurs et leur rappeler qu'ils ne sont pas dans un monde où tout le monde va être d'accord avec ce qui se fait. L'inconvénient de cette méthode, c'est de donner toute l'agentivité aux PNJ et de se retrouver, comme certains GM dont on ne va pas prononcer le nom, à, à avoir les PNJ qui écrivent l'histoire, en fait. Parce que si on ne fait pas confiance aux joueurs et aux joueuses pour construire l'histoire et qu'on la construit à leur place, ça risque de créer des frustrations et des frustrations très légitimes, puisqu'on vient pour être agent ou agente d'une histoire, on vient pas on vient pas en gêne comme au cinéma, quoi. Alors, je pense qu'on va revenir assez rapidement à la sacro-sainte lettre d'intention de GN. Donc effectivement, là par contre, on arrive en fait sur de l'intention de jeu, où, le narrativisme en fait va être plutôt la branche, la façon de voir le GN, le parti pris qui va permettre de maintenir le conflit et de maintenir l'archétype le plus possible, et de maintenir les archétypes, de forcer un peu les joueurs à ça. Et effectivement, les autres points de vue, les autres façons de jouer un jeu de regard dans la nature peut plus facilement mener à une sortie d'archétype, à une dérive, donc au truc des ours. C'est en fait bien annoncer en avance que ce qui importe à l'organisation, c'est que le jeu d'opposition soit maintenu. En fait, c'est important. C'est vraiment très important, je pense. Plutôt que des organisateurs qui se retrouvent le fait accompli sur le jeu, pourquoi nos joueurs commencent à faire la paix, on ne comprend pas. Nous, on prévoyait plutôt du sang, de la violence. Et par contre, s'ils n'avaient pas annoncé leurs intentions de jeu directement, que ce jeu-là devra être, pour qu'il y ait du jeu, un jeu d'opposition, mais annoncé comme un jeu, il y aura de la guerre, il y aura quelques bastons, c'est cool, venez. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Et voilà, donc c'est. Et aussi dire aux joueurs que certes, ils sont agentifs dans leur façon de jouer. Bon, y a des joueurs pour qui c'est vraiment très important et c'est leur définition d'être joueur, vraiment. C'est-à-dire le fait de je viens là, c'est vraiment pas pour qu'on me dise ce que j'ai à faire. C'est moi qui décide. J'en ai croisé. C'est pas forcément mon parti pris à moi. Ça m'a pas mal surpris d'ailleurs. Mais du coup, préciser un peu sur la lettre d'intention que. L'organisation se réserve le droit de rediriger les choix des joueurs, admis par un PNJ ou clairement en donnant des consignes de jeu, ainsi de suite. Comme ça, les joueurs que ça pourrait choquer, chez qui cette pratique est vraiment intolérable, on va dire, ne viennent pas tout simplement au jeu et le jeu se passe bien. ou des meilleures chances de bien se passer en tout cas. Je vais relancer un petit peu le sujet en posant une question. J'espère que vous aurez des idées sur quelle technique en tant que joueur et joueuse ou en tant qu'organisateur par les ateliers ou autres peut-on utiliser pour aider à maintenir les archétypes. En fait, ça fait écho. J'ai eu une table ronde la semaine dernière à la BOGN sur comment maintenir la calibration culturelle, c'était pas le terme, l'environnement culturel du jeu. On avait trouvé un certain nombre de réponses et je pense que les réponses sont assez proches, mais là, plus particulièrement, qu'est-ce qui peut permettre aux joueurs-joueuses de rester dans leur archétype tout en ayant bien sûr la possibilité d'évolution du personnage par rapport dans le contexte de l'histoire qui fait forcément évoluer tout le monde. Alors c'est une bonne question, donc atelier bien sûr, mais en fait au-delà des ateliers, je pense que tout ce qui permet d'ancrer la mémoire corporelle du joueur avant le jeu ou pendant le jeu est important, c'est-à-dire le fait de répéter des éléments. Donc dans les ateliers, c'est on va répéter le langage corporel. S'il y a besoin d'avoir un certain langage corporel, on va faire se déplacer les gens pour qu'ils aient ce type de langage-là. Ça va être les rituels aussi. S'il y a un certain nombre de cérémonies à faire, c'est les faire répéter pour que les gens sachent où ils sont censés aller et puis ensuite que quand on a la même cérémonie en jeu, ils puissent se placer aisément. Si c'est au niveau des opinions ou des manières de se comporter avec d'autres, même chose, c'est faire répéter, faire préparer ces choses-là. Mais ensuite, parce que c'est ça aussi qui est important et qui est parfois mal compris sur les ateliers, les ateliers n'ont d'intérêt que s'ils cimentent et ils ancrent des choses qui vont avoir lieu en jeu. Et ensuite, quand c'est répété en jeu, plus c'est répété, plus ça permet d'ancrer ces dynamiques-là. Et en fait, même si des fois il y a la personnalité du joueur ou de la joueuse qui arrive, le fait de répéter ce rituel ou le fait d'avoir des moments communs qui vont, par exemple, des moments de cérémonie où les repas peuvent servir à ça, le simple fait de réancrer dans les dynamiques sociales telles qu'elles ont été répétées et préparées en atelier, bah, ça permet de les rappeler et de les rafraîchir, de les remettre et de les rafraîchir en mémoire à chaque fois. Donc, bon, Muriel a donné exactement les réponses que j'avais moi-même en tête. Je n'ai rien ajouté. Donc, en effet, on va passer à la question 4. Le GN, en tant qu'activité productrice d'une sous-culture, crée-t-il ses propres archétypes ? Quelque chose de drôle à voir, bon, c'est un peu méta par rapport archétype de personnage, c'est vraiment archétype de gène comme je le vois, mais comme on emprunte du jeu de rôle papier, le terme PNJ et le terme PJ sont en fait des grands, grands archétypes de construction du jeu de rôle grandeur nature, et c'est d'ailleurs des archétypes que j'essaie régulièrement de détourner un petit peu. Notamment le PNJ, qui est en fait un peu fourre-tout. Et en fonction des organisations, on a des définitions plus ou moins rigoureuses de ce qu'est un PNJ. Et au final, on peut des fois avoir des PNJ qui sont en fait des joueurs, mais qui étaient tard. ou des PNJ qui vont avoir un rôle plus clé, qui vont avoir en fait des personnages pivots, qui vont devoir garder des mécaniques de jeu, qui ont un peu un rôle d'arbitre, mais en même temps sont notamment un seul personnage le long du jeu. Et d'un autre côté, il y a des personnages temporaires qui sont là pour venir alimenter la scénographie, alimenter le rythme, et en fonction des besoins de l'organisation. Donc voilà, là, c'est des archétypes vraiment propres aux gènes, propres à la sous-culture, qui est intéressant de voir. Voilà. Ok, alors je ne sais pas si ça répondra vraiment à la question, mais et justement, c'est moins vrai maintenant, mais moi, quand j'ai commencé à faire le GN, il y avait vraiment un archétype qui venait tout le temps, et c'était la joueuse ou plus souvent le joueur charismatique, à qui en général on allait donner les rôles de commandement d'hôte ou de responsabilité. Parce que, alors en période justement à l'époque où on n'avait pas encore les ateliers, la calibration et où bah, il y avait des choses dans la scénarisation qui se cherchaient encore, il y avait une certaine facilité, une certaine logique à donner les rôles à responsabilité à un certain profil de joueuse ou de joueur qui soit avait l'habitude de l'organisation ou connaissait l'organisation, donc pouvait servir un peu de courroie de transmission par rapport aux orgas, ou alors était suffisamment extraverti ou avait suffisamment de bonnes capacités de communication pour éventuellement relayer des choses. Et cette notion, alors, une fois encore de manière très intéressante, je l'ai vue disparaître, mais pendant des années, elle était extrêmement pervasive au point de véritablement bah, conditionner un peu les exigences de casting qu'on avait pour les rôles un peu de devant de scène et un peu plus visibles socialement. Et voilà. Et heureusement, je pense que, en tout cas, dans les jeux que je fréquente, ça a disparu. Peut-être que ça existe encore. Je sais pas, mais je sais que voilà. Puisqu'on parle du terme problématique, ça, c'était vraiment quelque chose qui avait fini par me choquer à force. Alors, pour cette figure d'autorité, effectivement, elle existe toujours clairement dans certains jeux que j'ai faits. Il y a peu, hein, il y a vraiment peu. Et donc, il y a plusieurs façons de la voir, de la concevoir, on va dire, pour l'organisation, d'après ce que j'ai vu. Il y a justement les personnages non-joueurs qui sont plutôt amis avec l'équipe d'organisation et qui vont donc avoir le rôle du roi, la reine, en tout cas la personne de pouvoir. Et cette personne de pouvoir va être en général assez peu guidée et va prendre les décisions un peu elle-même. Donc en fait, va avoir un rôle totalement joueur, même si sur le papier, c'est quelqu'un qui est en fait personnage non-joueur, sur inscription en tout cas. Mais c'est vraiment pas dans les faits. Il y a d'autres jeux où par contre c'est totalement donné à un joueur qui prend cette place-là. Ça dépend, j'ai vu plusieurs façons de faire. Des fois c'était vraiment un peu à la méritocratie où où le personnage a été nommé par les autres joueurs, ainsi de suite, où ça s'est fait plus ou moins en jeu. Mais effectivement, ça reste à peu près toujours les mêmes personnes qui essayent de se mettre en avant, les mêmes joueurs qui essaient de se mettre sur le devant de la scène et qui réussissent. Bon, là, encore une fois, c'est compliqué de... Si on a l'habitude de le faire, c'est compliqué de sortir de cette habitude. Et voilà, enfin, je sais qu'il y en a, j'en connais qui essayent souvent de faire ça. Donc oui, ça existe toujours. Ça se fait beaucoup dans les jeux, pendant des époques où les rapports d'autorité sont très forts. Donc les Heroic Fantasy, post-apo, ce genre de choses, où il va y avoir des chefs de guerre, des rois, des reines, ainsi de suite. Et là, ça va être un enjeu, en fait, clairement, d'arriver à cette position pour le joueur. Beaucoup plus que pour le personnage, d'ailleurs. Donc oui, cet archétype existe. Et effectivement, il est intéressant de le noter comme un grand archétype du GN, en fait, je pense. Le rôle du meneur-joueur, quoi. Alors, j'avais posé cette question sans avoir aucune idée de réponse, mais là, bon, maintenant qu'on y est, j'ai commencé à y réfléchir. Il me semble qu'un archétype propre au GN, qui est créé par le GN, c'est celui du personnage qu'on pourrait qualifier de couteau suisse. C'est-à-dire que pour être sûr que le personnage, que le joueur ou la joueuse ne s'ennuie pas, on lui donne des tas d'intrigues, des tas de centres d'intérêt. Et cela donne des personnages qui sont à la fois experts dans un domaine, passionnés par cela, par tel autre domaine, amis avec des gens qui n'ont aucune raison d'avoir rencontré, mais que dans leur bac, ils ont rencontré par un événement un peu acrobatique, etc. Ça, c'est quelque chose qui me semble vraiment particulier au GN, mais je viens seulement d'y penser, donc je n'y ai pas encore longuement réfléchi. Effectivement, il y a aussi un grand aspect mystique dans le GN. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont jouer des prêtres, des chamans, des choses comme ça. Et je pense, de mon point de vue, beaucoup plus présente, c'est quelque chose de beaucoup plus présent que dans beaucoup d'autres sous-cultures de fantastique ou de ce genre de choses. Où voilà, le domaine un peu de spiritualité alternative est beaucoup plus exploré dans le jeu de rôle Grand en Nature. Et ça va être presque un archétype en soi, un archétype à ses propres gènes, d'avoir. C'est ces gens-là qui font des rituels. Je pense que tout le monde a plus ou moins vécu les rituels plus ou moins improvisés ou plutôt bien faits, des cérémonies, des choses comme ça. Parce que c'est quelque chose de plaisant à jouer, qui crée du jeu assez facilement aussi. Et donc, c'est assez ancré, je crois, dans la sous-culture du jeu de rôle Grandeur Nature. Alors, je vais essayer de conclure cette discussion, sachant que je n'ai pas pris de notes et que je travaillais à côté, donc ma concentration était probablement déficiente. Cependant, il me semble que une des choses sur lesquelles on s'est accordé, c'est que un archétype, c'est avant tout quelque chose qui peut aider à penser et sur lequel on peut construire, que par conséquent, c'est très compliqué et ça n'est surtout pas souhaitable d'en sortir dans le sens de refuser d'archétype. Dans cet ordre d'idée, il a été dit que quand on décide de sortir d'un archétype, il faut faire attention à pourquoi est-ce qu'on le fait. Donc, avec toujours ce principe que j'ajoute peut-être un petit peu là, mais qui est ne rien faire sans raison quand on écrit un jeu, ne pas mettre un genre sans raison, ne pas utiliser un archétype sans raison, mais ne pas non plus renverser les archétypes pour renverser les archétypes. C'est-à-dire qu'il faut toujours penser la façon dont on écrit ses jeux et ses personnages proportionnellement au but visé. Concernant la question des joueurs et joueuses, il a été mentionné que on n'a pas le contrôle sur la façon dont les joueurs et joueuses interprètent leurs personnages, que par conséquent, pour quand on pense à un personnage avec un certain archétype et avec un archétype dont le respect est nécessaire à la poursuite de l'histoire, il peut être utile d'effectuer des réorientations du joueur ou de la joueuse à l'aide de d'interventions PNJ ou autres. la dernière question, je n'ai pas du tout écouté. la question optionnelle. Donc, ce que je vous propose, si ça vous va, puisque de toute façon le reste de l'enregistrement est disponible, c'est de conclure, de finir là-dessus simplement. Je vous rappelle que vous pouvez dès à présent dans la discussion proposer des thèmes qui feront l'objet du prochain live Sénat. Et je vous remercie une nouvelle fois d'avoir été au rendez-vous.